je suis ébène de la lune, en liberté surveillée. Ébène des étoiles, des chômages et des nuits sans pain. Ébène, je suis du Sahel, et la mer noire viendra lécher le pied des colères affirmées. Et l'ébène des ébènes, le rire or, se dresse au sommet du monde et mort pour une course sans fin quand les étoiles germent dans le ciel et meurent. Ébène, je suis Afrique.